Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. FPP 106.3, vous êtes dans le programme mensuel du CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, qui s'intitule La jungle des luttes. Et donc aujourd'hui est un jour un peu particulier, puisque notre animatrice vedette est en partie sous d'autres cieux, voir si l'herbe était plus verte là-bas. Je me retrouve tout seul face à ma console et à mon micro, mais j'ai quand même quelques copains qui sont venus. Donc, de quoi est-ce qu'on va parler ? On va parler du CMDE, collectif des métiers de l'édition, qui est un petit collectif qui existe entre Toulouse et Paris et qui développe des films, des bouquins, etc. On a c'est des copains qu'on commence à croiser depuis un petit moment. Ensuite, on va parler un petit peu du festival de Pico Ipala. Et enfin, un petit peu anti-militarisme, armée, etc. On va commencer avec un peu de musique et on se retrouve tout de suite. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi. Allí ya chupa le ya chupa le ya chupa le ya que se quiches. Que hay cosas con la tapica, ya está tan agua, ya está cura pibu y arriba ni cura o ni cura para ni cura. Kunaka, hay en taque, o ira cura chayemuco, hay Puerto Rico, Nación Mantapacha, paikuna, sutigmi, calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis, chaita que resulten mi Latinoamérica, uy ahí cosanchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. ¡Vamos! FPP 106.3 de retour. Donc on va commencer par parler un petit peu du collectif CMDE, collectif des métiers de l'édition, qui est un collectif donc, comme je vous le disais, s'est construit entre Toulouse, Paris, et qui travaille beaucoup avec une petite maison de production indépendante qui s'appelle En La Linea à Mexico, et qui développe plusieurs collections, dont une collection qui nous a intéressé particulièrement et qui nous a amené à côtoyer un peu ces gens-là il y a depuis quelques temps maintenant, une collection qui s'appelle À l'ombre du maguey, qui du coup traite principalement de fêtes de thématiques liées au Mexique. Donc je vais passer un petit entretien qu'on a fait il y a quelques temps à Notre-Dame-des-Landes, qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de passer, avec Anna, une des membres du CMDE, qui va parler de cette collection en particulier et de leur projet. Donc j'envoie et on se retrouve tout de suite. Bonjour Anna, tu vas nous présenter l'ombre du maguey, le projet et tous ses objectifs et tout ce qui s'est passé jusqu'ici, ce que tu aimerais qu'il se passe encore bientôt, maintenant, prochainement. D'accord, mais bonjour, donc je m'appelle Anna et je fais donc partie du collectif des métiers de l'édition, qui est une maison d'édition en fait associative sur Toulouse que nous avons créée avec quelques personnes en janvier 2010. Donc voilà, ça fait maintenant presque 2 ans. On a donc 3 collections dans ce collectif éditorial. Une collection de contes littérature pour enfants et littérature familiale plus largement, qui s'appelle Dans le ventre de la baleine. Une collection de critiques sociales, Les réveilleurs de la nuit. Et donc une collection À l'ombre du maguey, de diffusion de documentaires du domaine hispanophone, plus précisément le Mexique, vu que jusqu'à présent on s'est surtout concentré sur le Mexique. Donc il y a déjà eu un certain nombre de parutions, des contes, dans toutes les collections. Il y a déjà eu des sorties. À l'ombre du maguey, donc pour en parler un peu plus précisément, cette collection, elle trouve ses origines en 2009. J'avais fait un voyage en fait au Mexique, à Oaxaca, pour y travailler un petit peu, et j'avais rencontré un collectif de réalisateurs qui était en train de monter leur maison de production indépendante qui s'appelle En La Linea. Ils sont basés à Mexico et je les avais rencontrés alors qu'ils faisaient une tournée en fait de diffusion de leur documentaire. C'est là donc que j'avais vu La Palabra del Agua, la parole de l'eau. Qui était donc à ce moment-là un documentaire qui réalisait, c'était un film de fin d'études en audiovisuel. Et ils ont donc investigué sur la question du rôle des radios communautaires dans la défense, la préservation de l'identité et de la culture des peuples indigènes, et là notamment donc le peuple Amuzgo dans l'état du Guerrero. Donc voilà, ils ont fait tourner ce documentaire accompagné d'une recherche, quoi, d'un mémoire. Et j'ai trouvé ça super intéressant puisque voilà, ça abordait vraiment le rôle des médias libres dans les expériences d'autonomie là-bas au Mexique et en quoi ils constituent un outil voilà, de construction de l'autonomie, de renforcement de l'autonomie. Et en fait, voilà, ces radios et ces médias, ils ont tout un tas de fonctions qui sont très bien développées et racontées voilà, dans le documentaire La parole de l'eau. Donc voilà, ça a été on a souhaité le diffuser en France. Et en fait, c'est à partir de ce projet qu'on a créé la collection À l'ombre du maguey, voilà, puisque donc elle n'existait pas avant. Voilà, moi je suis revenue avec ce projet de diffusion, on a monté donc la structure éditoriale, moi donc j'ai fait cette proposition de collection à la Sombra del Maguey, à l'ombre du maguey, et c'est là que j'ai commencé à travailler avec quelques autres personnes voilà, à l'élaboration d'un petit livre pour accompagner la Palabra del Agua, le contextualiser avec tout un tas voilà, d'entretiens, de traduction. C'est un travail que tu as fait, toi. C'est voilà. Le petit bouquin qui accompagne le livre, c'est un travail que toi, tu as fait. C'est pas la traduction du mémoire que les gars qui avaient fait le documentaire avaient... Non, pas du tout. Non. Ouais. Qui a fait la recherche, qui a fait des entretiens et, ouais, et essayé de justement... c'est ça en fait. Donc d'un côté on a le documentaire bon, qui est traduit, qui est sous-titré, et d'un autre côté voilà, moi quand on a créé À l'ombre du maguey, l'idée principale est la diffusion voilà, de productions indépendantes qui traitent de lutte sociale et de réalité voilà, qui n'ont pas forcément pignon sur rue, voilà. Donc là, si on parle de l'ombre du maguey, où on disait que c'était plus justement sur des documentaires et jusqu'à présent plus focalisé sur la question du Mexique, parce que c'est le terrain que tu connais peut-être le mieux, les contacts que tu as, ou voilà, les réseaux, ça se tisse comme ça. Par contre, les deux autres collections, pour enfants et puis critique sociale, ça c'est pas forcément axé sur le Mexique, c'est ouvert... Ah oui, non, c'est pas du tout axé sur le Mexique. Hein. Ouais, les deux autres collections, voilà, enfin, ce sont trois collections qui sont assez hétérogènes. Voilà, la collection de littérature enfantine, familiale, de contes, en fait, c'est l'idée de publier des contes soit inédits, donc des créations, soit des réinterprétations de contes traditionnels. Voilà, donc jusqu'à présent... Dans le ventre de la baleine, c'est la collection qui a été la plus active, puisque c'est la collection qui inclut le plus de collaborateurs aussi. Il y a eu jusqu'à présent cinq contes donc, qui sont sortis. Et au niveau des Réveilleurs de la nuit, la collection de critiques sociales, il y a eu donc une première publication en février dernier qui est en fait une traduction du mouvement de l'international situationniste côté États-Unis. Voilà, donc qui s'appelle Écrit de l'international situationniste et qui se diffuse très activement là ces derniers mois en librairie, et une publication à venir sur Facebook, voilà, à la rentrée, une critique de Facebook au mois d'octobre normalement. Et donc voilà, À l'ombre du maguey, c'est vraiment dédié à la diffusion de documentaires. Moi, j'ai intitulé du domaine hispanophone pour aussi qu'on puisse s'ouvrir sur d'autres pays. Mais il se trouve que jusqu'à présent, voilà, comme j'expliquais, nos contacts sont à Mexico, même puisqu'on collabore en particulier avec En La Linea, la maison de production indépendante. Donc voilà, l'idée à la base, c'était de diffuser leurs travaux, mais aussi le travaux d'autres personnes, et avec vraiment l'idée voilà, de documentaires qui laissent avoir des réalités sociales, des témoignages de lutte, voilà, qui n'ont pas pignon sur rue, ni forcément là-bas, ni encore moins ici. Et donc du coup, voilà, faire connaître des réalités, donner la parole aussi, et proposer des possibilités de diffusion à des réalisateurs, voilà, étranger. Donc c'est quand même un intitulé assez ouvert. Et ensuite pour mettre de côté la question purement audiovisuelle du documentaire, il y a l'idée donc de l'accompagner toujours d'un livre. Et là, pourquoi c'est pour en fait élargir l'accès, avec l'idée que ici en France, si on en reste à une diffusion juste du documentaire, et vu que ça traite de questions assez précises, ça va circuler entre des cercles de personnes déjà averties ou militantes, déjà initiées. Et en fait, notre objectif, nous, c'est d'essayer d'ouvrir l'accès à ces questions-là. Et donc le livre, il est pour ça aussi, pour donner un contexte et approfondir un petit peu la problématique, à travers des entretiens et puis des petits articles, essais, qui sont le fruit d'une recherche après qu'on peut faire, en s'appuyant sur des sources diverses et variées. Donc là, c'était le premier projet, La parole de l'eau. À l'ombre du Magueil, on cherche aussi à associer la diffusion des DVD livres à des projections, dans des espaces qui acceptent de nous ouvrir la porte. L'idée, c'est vraiment de créer aussi de la rencontre autour de ces questions-là. Donc jusqu'à présent, on a organisé une bonne dizaine de projections là en une année de La parole de l'eau. Principalement à Toulouse et dans la région, et à chaque fois c'est vraiment des moments très chouettes, puisque on projette le film, on en choisit deux ou trois autres qui gravitent autour de la même problématique, et puis on discute et éventuellement on mange un bon repas de là-bas aussi, et c'est créer des espaces de rencontre pour avancer ensemble sur ces questions et en même temps promouvoir aussi le projet. Voilà. Et vous avez peut-être d'autres projets à venir pour l'ombre du Magueil ? Ouais. Donc on a plusieurs projets à venir, certains dont on n'est pas encore sûr. En tout cas, il y en a un dont on est sûr. Il s'agit d'un documentaire réalisé par les copains de Anne La Linea à Mexico, qui s'appelle Música para después de un asalto, qu'on a traduit comme du braquage au violon. Qui est un documentaire d'une heure et demie qui traite de la question carcérale à Mexico. On a projeté d'ailleurs le 24 juin au CICP lors de la distribution café. Ouais. Un film qui a beaucoup plu aux gens qui l'ont vu. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils étaient quand même déjà plus d'une quinzaine à l'avoir vu. Et c'est un bon film. Donc bonne chance à la suite pour ce film. C'était une grande première en tout cas le 24 juin à Paris. Après le. Je suis très content justement d'avoir pu le projeter, puisque je pense que c'est effectivement un beau film et une façon de pouvoir appréhender justement la prison, et pas forcément, puisque c'est à travers la musique, l'entrée à travers la musique, je trouvais que c'était justement très intéressant de pouvoir aborder autrement que par les cas personnels du prisonnier en tant que tel, etc. Du coup, ça te permet justement de. Et puis pour nous, étrangers en français, de voir une prison au Mexique, des prisons, ça te permet aussi de te poser des questions et de réfléchir aussi sur ce que c'est la prison. FPP 106.3, la jungle des luttes. Alors c'est magnifique, cette petite interview fait elle-même la transition avec ce qui va suivre après, puisque le film dont il parle là à la fin, du braquage en violon, a été rediffusé la semaine dernière, si je ne me trompe pas. D'abord dans un petit bar du 19e, puis au Transfo. Et ça a été l'occasion pour nous de refaire une petite interview de Anna et aussi de Juan, un des réalisateurs du film. Donc c'est ce qui va suivre après. Un petit peu de musique et on enchaîne là-dessus. Musique. Musique, d'ailleurs, directement tirée du film du braquage au violon. Je vous mets ça tout de suite. Yeah. Eso no es para la radio, homies, es para mis compis del barrio. Chale. Cámara, cárdale. Animó. Estadio Azteca, yo cuido tus puertas. Con todos mis homies en sus camionetas. Los lentes oscuros, los dickies y solos. Forjando la mota, homie, desde que era un morro. Lo que anda pisteando, vendiendo la mota. Pues yo soy sureño, controlo a mi cerveza helada y bien fría. Así es mi jauría, no salen de día, mi mente se enfría. Fumando la mota, la vida es más corta, como la influenza, no semen, es neta. Con mis escopetas, los cuernos y metas, yo hago estos jales para vivir carnales. Pues soy zapatista, villista y sureño, me dicen el Jones por pollo acá muero. Y como el padrino, mafioso asesino, oyendo al chalino con copas de vino. Pues soy del distrito, orgullo moreno, sureño matón, te parto en dos. La tinta en la piel, la vida de un rey, tatuada por años, giramos los dados. Cara de payasos, una riendo, una llorando, arriba y abajo, pues soy veterano. El paño planchado de color azul, pues voy representando siempre yo el sur. Con toda mi clica de la MF, recordando tiempos que no volverán. Recordando homie dentro del penal, lo que me ha pasado a mí en esta loca vida. Con mi compañera y fiel María Juanita, al chile no me agüita estar aquí adentro. Atado al reloj, pasando el tiempo, pensando en ti, mi barrio querido. Pues tú nunca has muerto, tus calles testigo. Esto te lo digo, maldita chavala, tú no vales nada. Te pongo de luto con toda tu raza, pues tú no comprendes con quién tú te metes. Sureño matón, te parto en dos. Cámara carnales, esta rola dedicada para toda mi clica, la MF y todos los barrios firmes del DF. Ese Joker, el animal, ese Spooky. Para todos los homies torcidos en los penales, en Santa Marta, el Scrawny, ese Tony de Florencia 13. Simón, para todos mis homies de la 18, sureños 13 hasta la muerte. ¡Al rato! Yeah, jones. Dilo. Et on va enchaîner avec la petite interview qui a été donc réalisée mardi dernier au Transfo. C'est parti. Bonsoir, Juan. Bonsoir, Anna. Anna, bonsoir. On se connaît déjà puisque justement on a fait un petit interview à Notre-Dame-des-Landes au forum contre les grands projets inutiles et imposés cet été au mois de juillet. On n'avait pas eu le temps de diffuser justement l'interview qu'on vient de vous diffuser là. Et donc on est très contents de voir que finalement vous avez réussi à avancer dans vos projets. Et donc aujourd'hui on est justement au Rémouleur, où de l'autre côté de la porte il y a la projection du film Du braquage au violon. C'était justement le projet que vous aviez au mois de juillet. Donc peut-être que tu peux nous parler justement de tout ce travail que vous avez fait depuis cet été. Depuis cet été, oui. Bah donc l'été dernier, le projet était encore un peu en germination, hein, à savoir que c'était pas vraiment concret au niveau du livre, hein, puisque je rappelle juste le projet, c'est donc la sortie du documentaire Música para después de una salto, Du braquage au violon, sous-titré en français, et accompagné d'un livre, hein, puisque c'est ce qu'on propose dans la collection À l'ombre du maguey, documentaire à portée sociale d'Amérique latine, accompagné d'un livre pour favoriser l'accès au public et aux lecteurs en France. Donc voilà, en juillet dernier, ça commençait à peine à se mettre en marche. Et donc depuis, Juan est arrivé pour un séjour assez long sous nos latitudes, voilà, courant novembre. Et Juan, c'est effectivement l'un des auteurs du documentaire. Voilà, Juan est un des deux réalisateurs. Juan et donc son frère Samuel sont les deux réalisateurs du film. Et donc l'idée en fait qu'on a proposé à Juan, hein, pour sortir ce DVD livre, c'est que ce soit lui justement qui soit l'auteur du livre, pour pouvoir nous proposer aussi sa vision en tant que personne qui est certainement la mieux placée pour en parler vu qu'il a réalisé le documentaire. Et voilà, donc Juan a répondu favorablement à cette proposition. Et donc il est là en France en ce moment et depuis quelques mois, entre autres choses, pour écrire ce livre. Voilà, donc le livre est fini, là, à l'heure actuelle. Le livre qui accompagnera le documentaire. Donc là, il n'est pas encore disponible. Il n'est pas encore disponible. Le DVD livre, voilà, ça ne saurait tarder. Il sortira, si tout va bien, à la rentrée, en septembre ou octobre prochain. Voilà, puisque maintenant que le livre est fini, moi, je suis donc en train de commencer à le traduire. Ça va, forcément, voilà. Au départ, c'est écrit en espagnol. Voilà, donc ça va être un livre, disons, plus graphique que le livre de La Palabra del Agua, qui était donc le premier projet d'À l'ombre du maguey. Un ouvrage plus graphique qui va intégrer beaucoup de photos, vu que Juan, Samuel et tous les collaborateurs du documentaire ont réalisé un gros travail photographique pendant la réalisation du documentaire. Donc on a aussi envie de mettre en valeur à l'intérieur de ce livre. Et voilà, pour parler brièvement du livre, il sera structuré en 5 chapitres. Une première partie qui sera un entretien avec Juan et Samuel et qui explicitera surtout les parties prises au niveau technique, les origines du documentaire, pourquoi ils ont eu envie de réaliser ce travail en prison, qu'est-ce que ça veut dire, hein, réaliser aussi un documentaire en prison en termes de contraintes, voilà, de surveillance maximale sur leur travail. Voilà, les questions techniques, il y aura une partie un peu d'ouverture, la prison au Mexique, qui est une vision en fait historique des prisons au Mexique, donc depuis 500 ans, et comment ça a évolué, les conditions carcérales, les grandes prisons de l'histoire, les grandes pages aussi de la répression, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Donc une partie un peu pour qui offre ce panorama, voilà, de l'histoire des prisons au Mexique. On reviendra ensuite sur la catégorisation des espaces par les prisonniers, donc les notions de le dedans, le dehors, à la dentro, à la fuera, comment les prisonniers conçoivent les espaces, les vivent. Une partie aussi sur le langage carcéral, el lenguaje canero, où Juan donc voilà analyse les principaux concepts donc de ce langage, hein, qui est comme un code utilisé par les prisonniers entre eux pour se comprendre et éviter que les autorités etc. enfin voilà le comprennent, donc extrêmement riche, et c'est un côté très très présent dans le documentaire, hein, cette question du langage carcéral, de l'argot, et qu'on retrouve notamment à travers les paroles des chansons, hein, des musiciens détenus. Une partie suivante qui reviendra, voilà, sur plus sur le rôle de la musique et la manière de différents détenus de vivre la musique. Et une dernière partie des anecdotes de prisonniers écrites donc sous la plume de Juan. Et voilà, donc ça sera c'est un bel ouvrage qu'on a hâte d'avoir. Qu'on a très très hâte d'avoir, et qui est voilà, une extension très très détaillée et très précise sur tout ce que suggère déjà le documentaire. Voilà, le livre est fait pour ça, pour l'accompagner, pour le préciser et pour enrichir. Une fois qu'on a vu ce que ça peut être la vie dans les prisons, puisqu'en France, on est quand même à des années-lumière de ce qui se passe dans les prisons au Mexique, je pense que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir après de quoi lire pour pas rester sur sa fin, parce qu'on voit tellement de choses. Ouais. Qui c'est important effectivement d'avoir de proposer ce contexte et de pouvoir asseoir un petit peu tout ce qu'on voit, de pouvoir l'inscrire comme ouais, là c'est pas juste pour la magie du film qui se passe, c'est qu'il y a une des vraies réalités ancrées aussi sur enfin qu'il y a des justement des un contexte qui est là, c'est ouais. Mais ça, je pense ça, que Juan en parlera mieux que moi. Justement, voilà. Juan, gracias por estar con nosotros. Merci d'être avec nous. C'est, ça tombe bien. Et justement, l'une des premières questions, c'est Je vais la faire en espagnol après, puis c'est Anna qui traduira après les paroles de Juan. Du coup, la première question, ce serait surtout comment ça vient à l'idée de faire ce film, pourquoi ce film, et dans quel contexte c'est arrivé, pourquoi cette película, non? Quel est le contexte que llega à cette décision de faire ce type de película? Et comment lo hicieron al final, non? Comment vient le projet? Bueno, en un principio, nos invitaron a levantar imagen para. ¿Quién te invitó? Unas chicas que trabajaban en la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal que iban a realizar un festival de músicos que eran del exterior, digamos, y que iban a ir a tocar, músicos de afuera que iban a tocar adentro de las prisiones en México. Donc au départ, on nous a invités à filmer un concert en prison, un concert donc fait par des musiciens hors de la prison pour donc les détenus. Y después ahí fue que empezamos a conocer a los músicos presos y pues decidimos que pues la verdad era, bueno, lo que nos llamaba mucho más la atención era, pues, trabajar con los músicos presos. Et c'est donc là qu'on est rentré en contact avec plein de musiciens détenus, et c'est une question qui a vraiment, la question de la musique en prison, c'est la question qui a retenu notre attention et qui nous a demandé d'en faire le thème de ce travail documentaire. Y pues ahí fue que empezamos y decidimos que íbamos a hacer pues todos los trámites para entrar a grabar a los reclusorios, y bueno, fue un trabajo bastante burocrático, en el sentido que bueno, no es fácil entrar a grabar a las cárceles en México, y hay una serie de requerimientos formales que te piden, como entregar una guía de entrevista, como el nombre del equipo, cuántas personas, quiénes son esas personas, y toda una cuestiones burocráticas que implica esto, ¿no? Y de ahí que nos dieran el permiso. C'est là qu'on a, donc, après avoir décidé de commencer ce travail, on a commencé à se confronter à toutes les démarches administratives et bureaucratiques pour pouvoir le mener à bien. Voilà, donc il y en a beaucoup, notamment rendre les grilles d'entretien aux autorités. L'identité des personnes qui allaient être présentes. Puisque donc c'est tous ces documents à remettre et ces démarches administratives à faire, juste tu peux nous rappeler auprès de qui? Se hace con quién, con el reclusorio. Bueno, primero se hace con la subsecretaría de seguridad pública. Le sous-ministère. De l'intérieur. C'est lié au ministère de l'intérieur. Oui, depende de la Secretaría de Gobernación. Después, pues entregamos guía de entrevista, una justificación del proyecto y cómo íbamos a abordar la cuestión musical, en este caso como cultural. Entonces, por eso fue que nos permitieron hacer el documental. Et donc voilà, ce qu'ils ont dû remettre principalement au départ, c'était les grilles d'entretien, la justification du projet. Et c'est quand ils ont vu que le thème central de la proposition, c'était la musique, qu'ils leur ont donc donné le permis de réaliser ce travail. Et bueno, después de esperar unos meses, esperamos 4 meses para que nos dieran una autorización, pues entramos a grabar, a levantar la imagen a los reclusorios. Et donc on a dû attendre 4 mois pour qu'ils nous donnent l'autorisation, le permis, et là on s'est mis au travail. Y lo primero que en un primer momento durante la grabación solo nos permitían trabajar en la zona del auditorio, en el auditorio en sí, no podíamos salir a otras partes. Au début, ils nous autorisaient juste à filmer dans l'auditorium, l'endroit où se déroulent les concerts, et seulement dans cet endroit, pas ailleurs. y siempre estábamos acompañados de una persona de custodia, luego una persona de comunicación social y otra persona del Departamento de Cultura, también de la Secretaría de Seguridad, Subsecretaría de Seguridad Pública del DF. Et donc on était toujours accompagné par des gardes, par une personne donc du sous-ministère de l'Intérieur et par une personne du département de communication sociale. Quand on réalisait donc le tournage, voilà, on était en permanence escorté par ces personnes-là. Después, bueno, decidimos empezar a tramitar otra serie de permisos de poder entrar en días de visita, poder entrar a los dormitorios y poder entrar a estancias y centro escolar en esta zona de espacios comunes del reclusorio. Donc là, en fait, on a commencé à faire des démarches pour pouvoir filmer donc les jours de visite, pour pouvoir filmer dans les espaces communs et pour pouvoir entrer dans les dortoirs et les cellules, notamment. Et bueno, solamente nos fue permitido entrar en el reclusorio Oriente a trabajar con dos de los protagonistas del documental, con Tons y con Toño, en sus dormitorios en el reclusorio Oriente. En ce qui concerne les dortoirs, au final, on a juste eu la possibilité de rentrer dans les dortoirs et les cellules de Tons et Toño dans la prison Oriente. Voilà, ça a été le seul moment où on a pu rentrer dans les dortoirs et les cellules. C'est pour ça qu'ils n'apparaissent pas beaucoup dans le documentaire. Et, bueno, le tiempo de duración de la entrada a grabar, a levantar la imagen del documental, fue aproximadamente de un poco con bastantes pausas, pero nos tardamos cerca de 6 meses, pienso, bueno, de 4 o 5 meses. Donc il y a eu plusieurs pauses pendant le tournage, mais au final, disons que le tournage en lui-même correspond à peu près 5 ou 6 mois de travail. Y luego entramos específicamente en algunas ocasiones a los dormitorios de Toño y de Tons, pero esto fue, o sea, fue pasado estos 5 meses de grabación en un inicio. Et donc en fait, il y a eu seulement les possibilités d'entrer de nouveau dans les cellules avec Tons et Toño, mais c'était après cette période de tournage où il y a eu la possibilité d'avoir des circuits plus intimes, si on peut dire, avec eux, mais après cette période de tournage. Et después, decidimos, bueno, hubo la posibilidad de que segregados grabara un disco, y bueno, ahí también entramos a levantar imagen y retomamos algunas cosas, pero eso fue ya en 2010, a finales de 2010. Et donc finalement, on a fini par rentrer de nouveau avec l'idée de pouvoir enregistrer un disque, et donc on y est rentré de nouveau à d'autres occasions, mais ça a été plutôt en 2010. Pero no diste los años cuando hicieron las grabaciones, porque si no, ouais, no tiene sentido. Bueno, je lui demandais quand est-ce qu'ils avaient fait justement cette période d'enregistrement de tournage, puisqu'on n'a pas spécifié. Donc il y a eu une fin en 2010, mais vous avez commencé à travailler plus tôt. Empezamos a trabajar a partir de marzo de 2009. Terminamos, digamos, de levantar la imagen en noviembre de 2010. Y la edición del documental, como está presentado en esta versión subtitulada al francés, lo terminamos en julio de 2011. Donc en fait, ils ont commencé en mars 2009 le tournage jusque 2010, et donc finalement la version française est-elle arrivée au niveau des sous-titrages, etc., arrivée en 2012. Je ne sais plus le mois, je ne sais plus s'il y avait un mois. L'essentiel du travail, c'était 2009-2011. Voilà. Alors, le reste, ça a été le travail, effectivement. Voilà. FPP 106.3, la jungle des luttes. On enchaîne avec un petit peu de musique, encore une fois issue du film Braquage au violon. Et on revient. Quand en las tardes me llega tu recuerdo, hasta esta celda en que me encuentro confinado. Parece que oigo tu voz en ese viento y veo en las nubes tus cabellos perfumados. O si pudiera viajar por ese tiempo y dejar un dulce beso ahí en tus labios. Miro las rejas de acero que me encierran, con vidrios rotos que el tiempo ha liberado. Así mi pecho, también hecho pedazo, quiere escaparse y estar en tu regazo. Pobre de mí, que soy doble prisionero de estos muros y también de tus encantos. Venda de mi alma cuando escuches estos versos, has de saber que yo te sigo amando. Si en tu pecho mi lugar está ocupado, serás la dama de todos mis respetos. No tienes culpa que yo no esté a tu lado, que te marchites esperando es un pecado. Tengo dicha de volver a encontrarte, de grandes reyes seré yo afortunado. Perdonaré las leyes que me juzgaron, que al condenarme también te sentenciaron, pagando vos por el mismo delito. A dos almas sin piedad atormentaron. Nada es eterno, tampoco los castigos. Llegará el día en que haya conjurado. Pido salud y fuerzas al eterno. Lleva a la cuenta los besos que no te dan. Es la promesa de un hombre que ha cambiado. Et nous revoilà, donc, dernière partie, on va retourner à Notre-Dame-des-Landes, où Anna va nous a présenté jusqu'ici les deux films qui ont déjà été produits, elle va nous parler un peu des projets à venir, nous donner des contacts, etc. Parce que bon, finalement, ils sont quand même pas mal demandeurs de soutien, d'aide, de soumission de projets, etc. Et ensuite, on passera la parole à Jules et Glenn, qui, la transition est très bien faite, vont nous parler du festival Pico Ipala, qui est un festival qui concerne le cinéma indépendant d'Amérique latine. Donc, on va commencer par la fin de la petite interview de Anna. Si elle veut bien se lancer. Oui, je suis écrivant une qui va plus ou moins depuis un peu de temps. Donc à l'ombre du Magaï, voilà, bon, ça continue. Après, voilà, donc on est une coopérative éditoriale, la plupart d'entre nous ont une activité à côté. On cherche à se professionnaliser, entre guillemets, un petit peu dans le domaine de l'édition. Mais bon, ça prend du temps, voilà, c'est un projet associatif, coopératif. Donc tout ça pour dire qu'on est en recherche toujours de nouveaux projets, de propositions, étant donné qu'il y a une portée coopérative très forte, donc de collaboration entre les traducteurs, les auteurs, les illustrateurs, les graphistes, les réalisateurs, avec l'idée de valoriser tous ces corps de métier de la même manière et comme étant tous indispensables à un moment donné dans la chaîne de fabrication d'un livre, d'un ouvrage ou d'un livre DVD. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée de mettre au même niveau l'importance de tous ces... Voilà. Donc on s'ouvre totalement à des propositions et notamment... la collection à l'ombre du maguey, voilà, qui est jusqu'à présent, bon, vu que c'est beaucoup lié au Mexique, donc les collaborations jusqu'à présent se sont plus faites de l'autre côté de l'océan, et c'est vrai que ça nous ferait du bien, voilà, et puis tout simplement ce serait extrêmement intéressant et on serait super ravis de recevoir des propositions et des idées et des personnes, voilà, en gros si vous avez des documentaires, des propositions, y compris d'ouvrages, puisque on s'ouvre aussi sur l'idée de publier des ouvrages sans forcément le documentaire, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, alors on a un petit site www.editioncmde.org. Donc www.editioncmde.org. CMDE, c'est donc le collectif des métiers de l'édition. Et donc l'adresse mail pour nous écrire, ce sera contact@editioncmde.org. Voilà, contact@editioncmde.org. Mais si vous mettez juste cmde.org sur Google dans le cyberworld, vous êtes bien placé. Voilà. Et voilà. Et donc, bah, merci, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Alors voilà, on va rester dans le cinéma du coup avec Glenn et Jules. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous allez nous présenter le festival Pico Ipala qui a lieu début avril, c'est ça ? C'est ça. Alors effectivement, du 4 au 7 avril à Paris, banlieue parisienne, c'était un festival itinérant, donc chaque jour ça change de lieu, aura lieu le 4e festival de Pico Ipala. Je présente d'abord un peu Pico Ipala, c'est un collectif qui existe depuis 5 ans environ, qui cherche à diffuser le cinéma engagé latino-américain, essentiellement. Donc archivage, traduction, organisation de projections, débat. On fait un festival chaque année, c'est le 4e. À chaque fois, une journée correspond à une thématique. Et donc on change de lieu et on essaye de proposer plus ou moins des lieux en lien avec les thématiques qu'on choisit. Tout se fait très collectivement. C'est des films qu'on reçoit de collectifs en Amérique latine. Ça a commencé beaucoup en lien avec l'Argentine, Pico Ipala. Maintenant, on s'ouvre à d'autres pays en fonction des contacts personnels, des appels à films qu'on lance chaque année. Et c'est un festival du coup, complètement autogéré, tout est à prix libre et dans des lieux alternatifs. Ouais. L'objectif qu'on s'est donné, nous, Pico Ipala, en tant que collectif, c'était vraiment d'être un média c'est assez intelligent et indépendant entre ce qui se passe en Amérique latine et ce qui se passe en France. Donc on essaie aussi de faire des liens et puis d'essayer de les rendre les plus concrets possibles entre des collectifs là-bas, des collectifs ici. Essayer de, à chaque fois, une projection ne vient pas toute seule, elle vient avec des interventions soit de personnes qui connaissent le contexte, toujours de personnes qui connaissent le contexte en Amérique latine, mais aussi de personnes qui représentent des luttes qui ont rapport avec les films en France. Voilà, l'idée, c'est vraiment à chaque fois, tout le temps, puis au-delà des projections même, l'idée, c'est tout le temps d'essayer de faire le lien entre l'Amérique latine, puis ici. Et puis de ne pas être simplement dans l'illustration, dans quelque chose d'anecdotique. C'est vrai que ça nous a paru important depuis le début, de se dire qu'il se passe plein de choses en Amérique latine. Donc effectivement, tous les mouvements sociaux. Donc je disais que Pico Ipala avait beaucoup commencé en lien avec l'Argentine. Donc suite à la crise de 2001, il y a beaucoup de collectifs, de mouvements de lutte qui se sont mis à faire aussi des vidéos, de la communication par eux-mêmes pour contourner un peu les médias. Donc nous, ça nous a intéressé effectivement de pouvoir diffuser en France, un peu comme un exemple, mais justement pas juste regarder ça de loin, mais de se dire les luttes, les problématiques qui existent là-bas, elles nous concernent aussi. Elles sont importantes pour nous et il y a peut-être des moyens semblables, différents, de répondre à ces questions-là. Donc je détaille un petit peu la programmation du festival. Donc comme je le disais, ça va être 4 jours, du 4 avril, du jeudi 4 avril au dimanche 7 avril. Et on commence le 4, jeudi soir à 19h30, par la thématique Sans patron. On va passer un film argentin qui s'appelle Corazón de Fabrica de Ernesto Ardito. Je lis mal, voilà. Et Virna Molina qui date de 2008. Et qui parle de l'entreprise récupérée Zanon, qui a un autre nom d'ailleurs, c'est Fa sin pat, fab sin pat, ça veut dire fabrica sin patron, usine sans patron, puisque c'est une usine qui a été récupérée par les ouvriers, qui est complètement autogérée depuis, c'est une usine de céramique, et qui fonctionne voilà, de manière tout à fait collective. C'est une expérience très intéressante, c'est une lutte compliquée aussi, mais c'est un peu emblématique de ce qui peut se passer en Argentine. Et donc on organise cette soirée-là en soutien avec les comités de grève de PSA qui sont en lutte en ce moment. Il y avait notamment une grosse manifestation aujourd'hui, donc on va inviter des gens du comité de grève de PSA, mais aussi éventuellement d'autres luttes ouvrières actuelles comme Goodyear. Enfin voilà, on va parler de l'autogestion, de la lutte ouvrière, comment s'organiser, comment bah, peut-être éviter les patrons et s'organiser par soi-même. Donc ça aura lieu à la cantine, c'est au 331 rue des Pyrénées dans le 20e, à partir de 19h30 pour cette projection. Et ensuite, vendredi 5 avril, je laisse la parole à Jules pour la deuxième thématique. Ouais, alors le vendredi 5 avril, on parlera de répression policière. La journée, on l'a intitulée « Police partout, justice nulle part ». C'est assez classique, mais on rajoute une couche. L'idée, c'est de notre axe principal, c'est simplement que la violence policière, c'est pas simplement des bavures, c'est pas simplement une violence accidentelle, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus d'ordre structurel. C'est pas juste un policier qui, par mégarde, tue un jeune homme dans la rue. On va projeter donc un film argentin qui s'appelle La mala reputación, Dos años sin Luciano Arruga, qui est un film qui date de 2011. Qui a été tourné par un collectif qui s'appelle Docsur, avec lequel on travaille depuis quelques années déjà. Le cas de Luciano Arruga, c'est donc un jeune homme d'un quartier populaire de Buenos Aires qui s'est fait tuer. Ça n'a pas été reconnu comme une violence policière et la famille se bat depuis 2 ans pour que ce soit reconnu comme un assassinat et pas simplement comme un accident. On le mettra en lien avec un film de regard à vue qui date de 2005 qui s'appelle « Sans casque ni bouclier ». C'est un témoignage d'un ex-officier de police. Ce qui est vraiment intéressant dans ce documentaire, c'est que là, cet ancien policier explique vraiment comment la politique des quotas, comment la formation même de la BAC, comment le fonctionnement interne de la police amène à ces violences. Ces violences, ce n'est pas comme des éruptions cutanées qui arrivent un peu de nulle part, mais c'est quelque chose qui est vraiment récurrent et qui, de toute façon, ça allait amener à ça, ce qui se passe dans la police aujourd'hui. On enchaînera après avec un film sur Wissam El Yamni, qui a été assassiné dans la nuit de la Saint-Sylvestre 2011. Le film s'appelle « La vérité sur Wissam, bavure policière à Clermont-Ferrand ». C'est un film du comité Vérité et Justice pour Wissam. C'est un film qui date de l'année dernière. Et pour expliquer un peu ce film-là, donc Wissam, juste pour rappeler rapidement, dans la nuit de la Saint-Sylvestre, il s'est fait récupérer, après avoir lancé un caillou sur une voiture de police, il s'est fait récupérer en gros par 7 voitures, je vais très vite, mais en gros par 7 voitures de police. Il s'est fait d'abord tabasser publiquement, après il s'est fait remettre dans une voiture, il a été emmené au commissariat. Il a fallu attendre, il a été déclaré en coma, on ne sait pas s'il a été tué avant ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des traces de strangulation suite à sa garde à vue. Bon, je ne m'étends pas plus sur le sujet, juste là, ils ont attendu 6 mois pour récupérer le corps et là, la famille n'a toujours pas eu de contre-autopsie. Voilà. Le lieu. Alors, pour expliquer un peu les luttes contre la répression policière en France, il y aura. Donc des membres du comité Vérité et Justice pour Wissam qui seront là, et d'autres comités Vérité et Justice qui viendront donc, pour expliquer un peu ce qui se passe là, où ils en sont, etc., notamment de la lutte. Cette soirée-là, elle aura lieu à la 20e chaise, c'est 38 rue des Amandiers, dans le 20e, à 20h. Voilà, et donc c'est à côté du métro Père-Lachaise. Puis pour la soirée du samedi 6 avril... Je laisse la place à Glenn. Donc le 6 avril, comme c'est un samedi, ça ne sera pas que la soirée, ça commencera plus tôt. On va démarrer à 16h. Et la thématique de cette journée, c'est corps, autonomie et lutte de femmes. Donc on s'intéresse un petit peu aux différentes formes et différentes raisons de lutter de femmes un peu partout dans le monde. Donc on va avoir un peu deux blocs de projection débat à chaque fois. La première partie, ça sera justement comment les femmes peuvent s'organiser, avec trois films. Un au Venezuela, qui va montrer une rencontre de femmes dans l'estado de Lara, dans l'état de Lara, qui date de 2010 et qui montre un petit peu comment les femmes qui sont dans le processus démocratique participatif Venezuela critiquent quand même le machisme latent qu'on y trouve malgré les avancées et malgré un discours qui dit la révolution c'est pour tout le monde, il n'y a pas besoin de se battre spécifiquement pour les femmes, et elle démontre un petit peu que si, qu'il faut justement se battre aussi sur ces questions-là. Ensuite, on va voir un film mexicain qui s'appelle Morena, qui a été tourné à Oaxaca en 2006. Donc, je ne reviens pas sur l'histoire de la commune de Oaxaca, mais c'est une manifestation de femmes qui a débouché sur la prise de la télévision régionale, c'est-à-dire qu'elles sont arrivées devant la télévision le jour d'une manifestation et elles ont occupé la télévision. Elles ont pendant deux mois géré la diffusion complète de cette télé, ce qui a permis effectivement au mouvement d'avoir une grande visibilité à l'époque. Et troisième film de cette session, de cette séance, ça sera Nosotras, qui raconte une rencontre de femmes en 2008 en Argentine, en lien avec justement les luttes paysannes, les luttes rurales et les luttes ouvrières de ce moment-là. Donc comment est-ce que les luttes de femmes peuvent aussi appuyer d'autres mouvements et que ce n'est pas quelque chose qui soit séparé du reste. En deuxième partie, on aura encore trois films. Un premier film argentin, En Boca de Todas, qui parle de la question de l'avortement, parce qu'il faut savoir qu'en Amérique latine, il n'y a qu'un seul pays à l'heure actuelle qui a légalisé l'avortement, et ça se fait juste quelques semaines, c'est l'Uruguay. Donc c'est encore une question très importante. Il y a des milliers et des milliers de femmes qui meurent chaque année d'avortement clandestin. Donc c'est un peu le témoignage, les arguments pour l'avortement en Argentine. Ensuite, on a un très court film qui s'appelle Violence obstétrique, qui justement c'est plutôt un sketch qui montre les conditions d'accouchement médicalisé. Donc c'est encore un film argentin, et donc avec un certain humour, la difficulté, l'inhumanisation, on va dire, de la chose. Et ensuite, un film français qui date de 1980, qui s'appelle « Regarde, elle a les yeux grands ouverts », qui parle de l'expérience du MLAC, qui est un mouvement de femmes des années 70, surtout, qui c'est à la fois des accouchements, on va dire, alternatifs et des avortements. À Aix-en-Provence en particulier. Donc c'est un film de Yann Lemasson. Et donc bon, bah, pour ces différents débats, on aura des gens de Oser le féminisme, on aura le collectif Tenon, donc qui s'est battu beaucoup pour le maintien d'un service d'avortement à l'hôpital Tenon, et une spécialiste du MLAC. Ça aura lieu tout ça au Transfo. Donc ça, c'est 57 rue de la République à Bagnolet, ça commencera à 16h. Et on finira la journée avec une initiation au tango queer. Donc voilà pour la soirée après un petit repas. Et pour la dernière journée de clôture, dimanche 7 avril, je laisse la parole à Jules. Ouais, alors on termine l'échange de tennis. La dernière journée, le 7 avril, on l'a fait en soutien aux inculpés de Notre-Dame-des-Landes. En gros, tous les fonds récoltés ce jour-là iront aux 19 inculpés du collectif Île-de-France à Notre-Dame-des-Landes. Elle est organisée cette journée avec et grâce au collectif Livret Solidaire, qui est un collectif qui occupe un jardin, qui est en fait une friche industrielle, une friche qui l'occupe et qui en a fait un super jardin, un potager, plus un autre collectif d'Ivry, plus un collectif de cinéma indépendant qui se balade un peu avec un chapiteau qui s'appelle Synapse, et bien sûr avec le collectif Île-de-France pour Notre-Dame-des-Landes. Contre l'aéroport, évidemment. Donc la journée s'appelle « Territoire à défendre de l'Amérique latine à Notre-Dame-des-Landes ». Alors, cette journée, elle va durer de midi à 23h. Tout au long de la journée, il va y avoir des animations pour les enfants, donc des contes, il va y avoir une brocante, il va y avoir des ateliers de jardinage, il va y avoir de la musique tout au long de la journée. Cette journée, elle sera ponctuée par deux repas. Un repas à midi qui sera plutôt pique-nique, donc on aura tout préparé, le repas sera à prix libre. Et ensuite, une sorte de gros asado-concert. Donc un asado, c'est un barbecue. Donc un barbecue-concert avec de la cumbia de 18h à 20h. Donc il va falloir être capable de manger en dansant, mais ça risque d'être chouette. Alors, ça, c'est les deux moments nourriture. Et entre-temps, il y aura des projections donc, sur Notre-Dame-des-Landes et sur l'Amérique latine. Pour l'Amérique latine, on va projeter un film sur le Mexique. un film de Promedios, qui est le collectif de production de cinéma du Chiapas. Le film s'appelle « Il disait qu'on sortirait de la pauvreté ». C'est un film qui est assez unique en son genre, enfin qui est plutôt rare en tout cas, dans le sens où il montre une communauté qui n'a pas résisté à un méga projet et qui regrette. C'est vraiment intéressant parce que on voit les gens expliquent comment la multinationale est arrivée, comment la multinationale a construit le barrage hydraulique et comment maintenant ils se retrouvent finalement dans une situation vraiment difficile. Ensuite, on aura un autre film, donc du Honduras, qui vient tout juste d'être terminé, qui s'appelle El Bajo Aguan, El Grito por la Tierra. Alors, El Bajo Aguan, c'est une région. C'est une région où il y a beaucoup de palmes africaines et où il y a des paysans en résistance contre les monocultures de palmes africaines qui envahissent toute la région. C'est des multinationales qui arrivent, donc c'est aussi des méga projets. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les paysans s'organisent. Et l'autre film qu'on aura pour l'Amérique latine, c'est un film d'Argentine qui parle d'une lutte indigène. Alors là, le méga projet, il est un peu étrange aussi parce que c'est une université. En gros, c'est une université publique argentine qui a expulsé des Indiens de leur territoire pour construire leur université. Et donc, c'est un film qui s'appelle En Via Tierra en Rojo et donc explique toute cette lutte et comment ils en sont arrivés à se faire expulser. On mettra ça, on lira ça au niveau cinématographique avec deux films sur Notre-Dame-des-Landes. Un film qui est en cours de production actuellement, qui est le premier film Pico y Pala, donc il y a un petit court-métrage qui s'appelle Zat Partout, qui a été fait aussi avec des gens du collectif Île-de-France pour Notre-Dame-des-Landes. Et un autre film sur Notre-Dame-des-Landes, et ce sera sûrement Notre-Dame des Luttes, mais c'est à confirmer. Voilà, alors pour réagir et pour les intervenants, les personnes qui viendront faire le lien avec Notre-Dame-des-Landes, ce sont des personnes de la CIPA et de la ZAD, donc il y a une voiture qui monte de Notre-Dame-des-Landes et qui expliqueront comment ça se passe là-bas, où ils en sont et tout, etc. Et il y aura aussi des inculpés qui seront là et qui participeront au débat. Donc, le jardin collectif, alors c'est à Ivry-sur-Seine. Il faut descendre au métro Mairie d'Ivry et on va flécher tout ça. Mais vous pouvez regarder sur une carte, c'est à l'angle de la rue Maurice Coutan et Marcel Lamant. Et donc, pour retrouver toutes les infos du festival, la programmation détaillée, les lieux, etc., etc., bah, y a le site internet de Pico y Pala, picoypala.canalblog.com, donc P-I-C-O-Y-P-A-L-A, pour ceux qui ne savent pas comment ça s'écrit. Donc, .canalblog.com. Si vous voulez venir nous donner un coup de main, si vous voulez juste passer pour voir des films, manger un coup, boire un coup avec nous, eh ben, n'hésitez pas. Donc, je rappelle, du 4 au 7 avril, un petit peu partout, enfin, en tout cas, à 4 lieux différents, Paris et proche banlieue. Merci beaucoup. Mais de rien, merci à vous. C'est un bon programme bien intéressant, notamment par les ponts qu'il crée. Enfin, c'est vraiment, vraiment chouette. C'est quelque chose qu'on essaye de faire aussi assez régulièrement dans l'émission et au collectif. Et du coup, c'est pas un hasard si le CSPCL suit Pico y Pala depuis un moment, lui donne la parole, etc. Et c'est chouette, merci d'être venu. On va enchaîner avec un petit morceau de musique et on part sur une autre thématique. Matin. Rigole, guignol, Pascal. Je vais te faire un joli trou de balle tout neuf. Gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. On n'aurait pas dit tu vas vivre, on a dit tu vas mourir. Et quand on disait quelque chose, on dit t'as rien à dire. Connerie la guerre, qu'es-tu devenu maintenant sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang? FPP 106.3, la jungle des luttes. Donc comme vous avez pu le comprendre, on va un petit peu changer de thématique, encore que globalement tout ça soit plus ou moins relié les uns entre les autres. Donc je suis avec Paul et Sophie, et on va parler un petit peu de, bah, des activités de notre très chère armée, et de tous ceux qui se font un peu de beurre autour de son activité principale, à savoir tuer, démembrer, bombarder, etc. Donc bonsoir Paul et Sophie. Salut. Oui, bonjour. La semaine dernière a eu lieu le forum CIFRE à la Cité universitaire et avec le sous-groupe CIFRE Défense. Donc nous, ça nous a donné l'occasion de réfléchir un peu à la question de l'armement et de l'idéologie autour de l'armement et de la résistance contre l'armement. Donc, vite fait pour expliquer ce que c'est CIFRE, c'est une association qui regroupe plusieurs grandes entreprises, notamment plusieurs grandes entreprises d'armement comme EADS, Safran, Thales. Et déjà que ça a lieu à la Cité universitaire, ça peut presque être un scandale, parce que la Cité universitaire, c'est un lieu qui, pour l'amitié entre les peuples, la paix, y a eu un forum d'armement qui est justement le contraire, des armes qui sont impliquées dans des guerres et des conflits militaires autour du globe. Juste pour donner quelques chiffres, tous les 14 minutes, il y a une arme de éclat et corps qui tue. Et par exemple, en Afghanistan, entre 3 et 4 personnes sont blessées ou tuées par une mine par jour. Et la France, elle est impliquée très grand dans ce jeu, dans ces conflits, dans ces drames. Au niveau export, la France est le quatrième pays mondial qui exporte des armes. Et au niveau import, c'est le cinquième pays au niveau mondial. Et une des grandes entreprises dont la France est impliquée, c'est EADS, sur lequel on va détailler un peu plus. Oui, on va en parler parce que, pour continuer dans l'actualité, le 27 février dernier, donc c'est-à-dire il y a 2-3 semaines, EADS a donné une conférence de presse livrant ses résultats, ses chiffres d'affaires et ses bénéfices pour 2012. Donc, niveau chiffre d'affaires, ils ont vendu pour 56 milliards de matos. Enfin, bon, c'est toutes filiales confondues, c'est pas seulement la défense, c'est tout ce qui concerne aviation, enfin, etc. Ça leur fait un bénéfice net qui avoisine les 3 milliards. Donc, avec une croissance par rapport à l'année d'avant de 15%. Donc, la crise, c'est pas pour tout le monde. Donc, cette conférence, elle a été donnée notamment par Thomas Anders, le président exécutif du conseil d'administration de ADS. Alors, celui-ci se déclarait satisfait des résultats, mais vise encore plus de croissance pour les années à venir. Notamment, ils ont lancé un programme qui va restructurer un peu ADS et sur les années à venir jusqu'à 2020. Donc, un petit exemple, EADS, via sa filiale MBDA, est le premier fournisseur mondial pour les missiles à vocation militaire. Dans la même veine, on peut retrouver des entreprises, des grands groupes tels que Safran, qui, par exemple, l'année dernière, a dégagé un bénéfice de 1,4 milliard Voilà. Ils ont fait des thunes sur les armes, donc la guerre, ça paye. Donc, entre tous ces groupes, on peut trouver quelques points communs, notamment niveau fonctionnement et organisation. Donc, par exemple, ce sont des holdings qui sont organisés en filiales, donc filiales pas forcément militaires. On a un mélange de civils, de militaires. Donc, les recherches qu'ils font... par le biais de leurs filiales, font qu'il y a un partage des connaissances entre civils et militaires. Par exemple... excusez-moi. Par exemple, Safran, en 2009, s'est déclaré fier d'avoir collaboré avec 30 laboratoires et avoir engagé 12... collaborer avec 12 thésards dans sa recherche. Donc, le principe, c'est que toutes ces connaissances seront partagées entre les différentes filiales, qu'elles soient civiles ou militaires. Autre point commun entre tous ces groupes, c'est il faut faire attention à l'appellation société anonyme, parce qu'en fait, par le biais des actionnariats, ces groupes ressembleraient plutôt à ce qu'on appelle des partenariats publics-privés. Donc, par exemple, la France possède 30% du groupe Safran. Elle possède 27% de Thales, par exemple. Et Dassault en possède 26%. Donc c'est du franco-français, Thales presque. Par le biais de ADS, 22% de parts françaises. C'est Lagardère qui se partage avec la France. Donc qui dit partage des investissements dit partage des profits. Donc, on peut constater par rapport à cette collaboration entre État et fonds privés, c'est que c'est une association qui fonctionne en fait à toutes les étapes, enfin tous les processus de la fabrication des armes. Donc, première étape, l'innovation, la recherche, le développement. Donc, un petit exemple, à l'école polytechnique, il y a une chaire du management et de l'innovation qui existe. Par exemple, la dernière fois qu'elle s'est réunie, il y avait en guest star des membres du conseil d'administration de MBDA, donc la filiale missile de ADS, des membres de Safran. Un autre petit exemple, pour rester sur l'école polytechnique, le centre de recherche français de Thales est carrément intégré au campus de l'école polytechnique. Et notamment, toujours en ce qui concerne l'innovation, encore un petit exemple, EADS a une fondation qui vise à redonner goût de la science aux jeunes et favoriser dans ce sens-là le partenariat public-privé. Donc en fait, de manière générale, il est demandé à l'État d'aider et de faire en sorte que des armes soient fabriquées, soit qu'on aide à l'innovation, soit qu'on aide à les fabriquer. Donc, pour revenir sur Thomas Anders, le président exécutif du conseil d'administration de EADS. Il a donné pareil, une petite conférence il y a quelques jours de ça, expliquait du coup du travail en France. Donc EADS emploie 54 000 personnes sur la France. Donc il menaçait plus ou moins que si les charges sociales augmentaient, ça allait lui poser un peu problème. Enfin, il l'a dit dans des termes un peu plus diplomatiques. Et voilà. Il a dit aussi qu'il fallait faire attention aux coupes budgétaires dans le cadre du plan de rigueur, des coupes budgétaires dans la défense. Évidemment. Évidemment. Ensuite, dernière étape du processus, ces armes, on les invente, on les fabrique et il faut les vendre. Donc, pour ça, j'ai repéré deux organismes. Notamment un qui est plus institutionnel, la DGA, la Direction Générale de l'Armement, donc qui dépend du ministère de la Défense. Donc elle a plusieurs missions, notamment choisir des armes, enfin les meilleures pour l'armée française. Mais aussi, elle vise à la promotion et à la vente de ces mêmes armes à l'exportation, donc les armes des entreprises françaises. Un autre organisme, qui est à la fois financé par l'État français et les grands groupes de l'armement, qui s'appelle l'ODAS, qui est présidé actuellement par l'amiral, ancien amiral, Alain Oudot de Dainville. Et donc celle-là, en revanche, elle a été quasiment spécialement inventée, spécialement fondée pour... des éventuels contrats avec l'Arabie Saoudite. Notamment, il y a 100 personnes qui travaillent sur ODAS, que ce soit en France, en Arabie Saoudite, en fait. C'est un peu partagé. Donc, ça tombe bien, justement, ces deux... Non, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je suis un peu perdue. En tout cas, ils font beaucoup d'efforts. Après pour essayer une pause de... musicale, on va parler des idées qui sont derrière la mort. Ah, comme une coupe de sifflet, c'est pas normal. ça peut faire du bien de reprendre un petit peu ses esprits. Et on va parler un peu de la résistance contre l'armement et des actions de résistance qui se sont faites dans des endroits différents. Ça marche. Bon, et juste, je voulais dire que je reviendrai plus tard sur l'amiral Oudot de Dainville parce que c'est une belle ordure dans son genre. Ok, on va passer un petit peu de musique et on repart là-dessus. J'ai 12 ans, mon nom est Sam, je suis né à Monrovia, capitale du Liberia, pays libre et misérable, enrôlé contre Taylor, volontaire, j'ai pris les armes. Les élus font peu d'efforts, ici l'avenir est criblé de balles. À vos ordres mon général, je dispose et j'exécute. Membre des forces rebelles contre l'État qui persécute. J'ai volé sur des cadavres, car la guerre c'est de faire des thunes. Le paradis est mort, des vies s'éteignent là où l'enfer débute. J'ai 12 ans, c'est l'âge bête, quand je me drogue, rien ne m'arrête. Alors je règle les histoires sur le tranchant de ma machette. Dans la rue, c'est craspec, décorgis sur les trottoirs. Carbonisé dans un pneu, car la routine est bien trop noire. Moi j'ai des images atroces, à la fois bourreaux et victimes. C'était la guerre ou la mort, donc la défense est légitime. J'élimine sans remords, mon récit est véridique. Et bien avant ma naissance, le climat était critique. Les balles sont des étoiles filantes que l'on tirait, que l'ennemi craint. Mon arme est belle et rutilante comme dans un film américain. J'ai le calache à l'épaule, uni dans un sale pétrin. Je préfère la guerre à l'école car on apprend sur le terrain. Congo ou Sierra Leone sont le théâtre de nos exploits. Et le bruit des balles qui fusent résonne tout comme le seul espoir. À la paix on nous laisse croire, un dictateur pour modèle. J'ai causé des traumatismes, autres sévices corporels. Intouchables, les élus sont bien souvent au perché. Manipulés, j'entends parler d'ONU et d'ONG. Un destin controversé du samedi au vendredi. Car le PNP est faible comme notre espérance de vie. Donc pour oublier notre sort, on préfère fumer de la merde. Imaginez le calvaire quand j'ai dû tuer ma mère. Moi j'ai bousculé par terre, adulte et nourrisson. La K-40 c'était trop lourd à porter donc nous pourrissons. Par ici c'est la merde, je rêve de cette et d'hexagone. La mort est ma plus proche amie et toutes les vies c'est Rapport. Mon surnom, c'est Rambo. Mon idole, c'est Stallone. Chez moi, le doute s'est installé entre Rafale et Mato. Mais elle a toujours le même arôme. La mort est pâte, souvent très lente. Dans s'entraînant au son des balles, au son des cris des gens que j'éventre. Devenir une légende vivante, glissant sur une mauvaise pente. Enfant soldat des bidonvilles, devient le patron checkpoint. J'ai massacré des villages pour une cause qui nous échappe. J'ai violé des femmes et vu des corps en stock à chaque étape. Je n'attends de toi que l'État nous montre une amitié. On m'appelle génocide, crime de guerre ou contre l'humanité. Bienvenue de retour sur FPP. FPP 106.3, la jungle des luttes. 106.3. La jungle des luttes, donc, programme mensuel voilà, du CSPC. On voulait prendre un peu position par rapport aux argumentations qui sont avancées par les entreprises d'armement pour séduire les gens à s'engager dans l'armement. Tout d'abord, toute personne qui participe au développement, à la production ou à la vente d'armes prend aussi une responsabilité sur soi, sur ce qu'il fait avec les armes, donc la destruction... massive et surtout les meurtres des personnes. Donc on met souvent en avant une citation qui dit « Qui veut la paix doit préparer la guerre ». Sauf que c'est, l'histoire a montré que toutes les armées qui ont été préparées ont été utilisées ensuite pour faire de la guerre. Donc en vérité, il faut dire que ceux qui veulent la paix doivent préparer la paix. Ensuite, on entend souvent l'idée du progrès qui découle de l'armement. Sauf qu'en vérité, tous les cerveaux qui sont enchaînés pour inventer des nouvelles méthodes de meurtre, si tous ces cerveaux se mettraient à inventer des machines pour améliorer les conditions de vie ou pour la médecine, on serait beaucoup plus loin aujourd'hui. C'est pas une guerre qui va... amener un progrès humain, c'est plutôt le contraire. Il y a beaucoup de savoir qui détruit, qui perdu. Et dans ce contexte-là, il est complètement délirant que l'Union européenne a reçu le prix Nobel de la paix alors qu'elle mène plusieurs guerres au monde en ce moment. Après, on entend des choses qui pourraient être presque drôles si ce ne serait pas aussi triste autour du développement durable dans l'armement. Alors que pendant une guerre, on détruit tout ce qui touchait pas les bombes, les missiles. Et alors là, on veut que ce soit des missiles biodégradables qui rasent, qui bombardent la forêt. C'est ridicule. Et il y a aussi beaucoup de, il y a beaucoup de campagnes qui sont menées pour légitimer la guerre. Pour faire semblant que c'est un boulot intéressant ou un boulot normal comme les autres, sauf que des armes, létales ou non létales, ils sont utilisées par le pouvoir pour se garder en place et pour maintenir les positions de soumission d'autres gens. Tous les gens qui participent dans la chaîne de production sont en train de forger leur propre chaîne. Ouais. Oui, que ce soit avec le développement renouvelable, de fait, il y a une volonté de la part de ces grands groupes de se donner une image acceptable, responsable. Souvent, la chose qui revient, c'est responsabilité citoyenne. Voilà, donc que ce soit, ils font des efforts pour employer, pour insérer les populations qui souvent ont du mal à trouver du travail. Donc, les handicapés, les seniors. Par exemple, Safran a participé au plan Espoir Banlieue en 2009. Et voilà. Bon, donc, juste pour conclure, comme on a un peu perdu l'heure des yeux, réfléchissez à est-ce qu'il ne faut pas résister contre l'armement et la guerre, et réfléchissez comment vous prendre et soutenir les gens qui se mettent en lutte contre la cruauté. C'est un bon appel à lutter, effectivement. Effectivement, on est un peu pris par le temps. On pourrait passer des heures à discuter de cette question. Finalement, c'est quand même quelque chose d'assez présent dans plein d'aspects de la société française, de la recherche, entre autres. C'est un peu comme ça qu'est venu le sujet. Mais l'heure de la fin de l'émission arrive. Donc, je vais quand même prendre un peu de temps pour rappeler le festival Pico Ipala du 4 au 8 avril, si je me rappelle bien. et aussi annoncer l'anniversaire, les 20 ans de l'association Tamazra, association berbère, qui aura lieu les samedis 30 et dimanche 31 mars 2013 à La Parole Errante. Donc un lieu bien connu qui est au 9 rue François Deberg à Montreuil. Et bah du coup, on va se quitter sur le classique générique de fin, à savoir l'hymne zapatiste. Merci, merci à Paul et Sophie d'être venus. Merci pour l'invitation. Et à une prochaine fois et à bientôt sur la jungle des luttes. Ciao. Salut. En el estado de Chiapas, muy cerca de Guatemala, las masas de campesinos se han levantado en armas. El subcomandante Marcos se llama aquel que les manda y lucha junto a los indios para liberar la patria. Los milicos le persiguen y quisieran que acabara como aquel héroe del pueblo, comandante Che Guevara. El primer día de enero bajaron de las montañas guerrilleros zapatistas para lanzar sus proclamas. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata, y a lomos de su caballo toda América cabalga. Los hijos de mil derrotas y su sangre derramada van a reescribir la historia y han empezado por Chiapas. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata y declaran este estado zona revolucionaria. Mejor que morirse de hambre es pelear con dignidad y que sirva cada bala para defender la paz. Vivan los héroes de Chiapas y el subcomandante Marcos, que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos, que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos. What you bringing to the table, man? A lot more than that. I hope so, anyway. You can't even get next to me with that. No, it takes a lot more than that, buddy. Come on, bring it on, Poppy.